plus typique que d'autres, bien sûr. J'ai été plus rapide dans ma conclusion. Pourquoi? Parce qu'il m'a confié qu'il était converti. Alors je lui ai dit, mais avant votre conversion, qui date de 5 ans à peu près, que faisiez-vous? Moi, j'étais toujours industriel, mais je dois dire que j'ai beaucoup travaillé la magie. J'ai fait de la magie pendant toute ma vie. Et depuis l'âge de 6 ans, aucune église n'a eu d'enfant.